Si je commence à essayer de faire un rap ou de la musique pour, par exemple, les bobos, ils vont tout de suite cramer que je suis pas hype et que j'y connais rien en leur délire. Et donc, moi, j'essaye de faire quelque chose que si j'entendais quelqu'un d'autre en parler, je me dirais, tiens, ça me parle. Gros, des fois, c'est pas la joie quand le bonheur, c'est pas nager. Faire partie des villageois, c'est faire partir les viagers. Les viagers font du gospel, on bat les gospels. Un jour de naissance à sa vie, c'est de rouler des grosses pelles. Bloqué dans une skate, oublie les bails du chapka. On est resté les mêmes depuis l'époque du skate, gars. Squat le quai de gare, teasé sur des bancs, des red gars. Doté d'un don de rat, doté sur d'autres gars. C'est vrai qu'on en a fait des coups, 400 environ. J'ai bien capté cramé, c'est pas faire de l'aviron. Appelle un tel. Les poches comme la taille, j'finiront. J'ai comme Adel, mes proches décochent tous ceux qui diront. Tu pourras pas le faire. Verso, j'ai pas fait HEC. L'école, un calvaire. Les versos calés là, je sais. Passer par là, je sais. Le flow est indécent. Si le savoir est une arme, moi je voulais pas te blesser. Je veux faire quelque chose de ma vie, mais ça fait 36 piges que j'essaie. Joue pas les mecs moroses, mes années se meublent de litige et d'essai. J'ai pas les bons préceptes, pourtant je joue les percepteurs. La vie, j'y se dirige au songe, la boussole pour récepteur. L'as d'abord n'est pas ici, le quotidien ça paraît simple. Descendant des parisites, je m'apparasite de parisiens. Excitant dans l'illicite, j'aime pas le voir push car d'un poteau. Ma gamine en moto, je lâcherai pas mes thunes dans des missiles. Rien que je suis doué, jouer l'imbécile. Ma tête, ça me convient bien, rien de mieux rester indécis face à l'ensemble du catalogue. Y'a pas de cave ici, j'entends des choses qui ont aucun sens. Qu'est-ce t'attends, rase-toi la tête, assume ta calvitie. Je me méfie de ceux qui ont le bras long, je suis sûr d'Alcim est un dalleux. S'il a pris du galon, rien que c'est sur le dos de 10 mecs en galère. Quotidien, plus les palettes, pas non plus tâter les galets. Y'a 5 secondes, roi du monde, ça se termine en galette. Là faut que j'arrête comme les barrettes et le goulot. J'ai trop de boulot, je vais finir la tête sous l'eau. Saoulé de la vie, alors je ne fais que tituber. Je fais finir intubé à force d'être au bout du rouleau. Je parle pas moula, je suis pauvre dans mon goulag. Ils m'ont taillé les veines, mais c'est pas du sang qui coule là. Mes rimes c'est pas de la flûte, mes gars c'est pas des putes. Et quand je vise le but, c'est contre mon camp comme à Poula. Non j'ai pas le boulard, juste un gros manque d'estime. Je veux plaire aux autres, mais les autres me plaisent-ils? Alors je fais style, que mon humeur est solide. À trop faire de folie, même la mort devient jolie. J'ai la plume impolie, donc veuillez me pardonner. Les gens ne m'ont pas donné, et pourtant font les étonner. La vérité pétonnée de ceux qui nous l'ont caché. Je suis un talent caché avec un gros cœur bétonné. 25 puces sur la terre, tout s'altère comme la gueule de Zemmour. 2023, plus besoin d'alter. Si tu veux peser lourd, les pseudo stars makers. T'es moi, je les vois qui vident les cœurs. Face à eux, t'es tout clean, même si t'es pire que la famille Whittaker. Quand la galère en graine, on pisse la tise et fait fleurir nos vices. Celle qu'alourdit les vies, vu qu'elle est scrète comme un lord innovice. Je laisse trop impoli, rêve de bolide, fait qu'un tas de canassons. Trop carnassé, car face aux portes, j'ai rien sous le poignasson pour se prélasser. Faut montrer vite clean et que les gens kiffent, se blanchir la papate. Faire en sorte qu'elle paraisse sans griffe, faut squatter la vitrine, pas du côté de celui qu'on peinture. J'en suis trop loin, pas étonnant que ça la ceinture. Des fractures, je peux plus les compter. Un vaussaire morcelé, une feu, un petit revêt. Genre des 16 pour tous les forcenés, ensorcelés qui ne font que se biturer au vrai. J'écris du son pour tous les mecs qui sont habitués au vrai.